Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour à une émission encore très, très, très spéciale de la programmation du Radioton de CKRL 2018. Alors, on est presque arrivé à échéance selon la programmation, mais surtout presque à échéance de notre objectif de 42 000 $. On est rendu, mesdames et messieurs, à 32 217 $. Et on sait très bien que vers la dernière heure, ça déboule, les îlots d'encan se ferment un après les autres et on est toujours ici disponible pour recevoir vos dons. Vous n'avez qu'à appeler au 640-2575. Nos téléphonistes attendent vos appels. Donc, sur ce, vous pouvez aussi aller au www.ckrl.qc.ca via notre site sécurisé PayPal. Vous pouvez faire votre don en ligne et renouveler votre carte de membre, parce que le membership de CKRL est tout aussi important dans le financement. Alors, dans la prochaine heure, on va passer avec quelque chose de plus détendu. Moi, les dimanches après-midi, je les passe souvent à écouter de la musique jazz et je pense que j'ai un petit combo tout à fait approprié pour cela. Même s'ils sont en train de déguster de la bière, nous, on va déguster probablement un thé tout à fait spécial avec Lily Thibodeau. Yes. Bonjour, comment Salut. Vas-tu? Ça va bien. Alors, je connais la plupart de tes musiciens pour les avoir vus performer dans les années 90-2000. Est-ce que j'étais dans les... Je pense que j'étais pas dans les bons soirs parce que ça fait quand même presque une dizaine d'années que toi aussi, tu es dans la scène jazz de Québec. Oui. Et puis, je t'ai jamais vu performer et je suis un peu déçu de ça. Bon. Et là on est en tête à tête et je t'ai que pour moi et pour nos... 90 000 auditeurs de la grande région de Québec. Alors, c'est en toute intimité. Bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour à tous les 90 000 personnes. Minimum. Sans compter les plateformes. Mais j'appartiens un peu plus à la scène swing que jazz. Il y a quand même une distinction, je crois, dans le merveilleux monde de la musique ou peut-être... Bon, en fait, des diffuseurs, peut-être qu'il y a une différence parce que le jazz est peut-être un peu plus moderne comme terme et le swing oui. est un peu plus ancien. Fait que moi, je m'intéresse au jazz traditionnel. Donc, le jazz... Des années 20, des années 30, 20. 40. 40, je touche pas tant. Parce que là, à des années 40, on s'entend, on était rendu avec des grosses formations. Je vais pas dans le big band. Ben, j'aime ça. Collaborer. J'avais déjà collaboré avec le big band de Lac-Mégantic, qui était hier, d'ailleurs, en spectacle pour une soirée swing au Palais Montcalm, avec l'école Tempo Swing, qui célébrait son 4e anniversaire. C'était une soirée incroyable, dans le café-théâtre, juste en haut, la petite salle. Là. Oui, les studios Tempo Swing sont situés sur de la Couronne et sont là, bien établis. Oui. Et je pense que l'école va très bien, donc on est très content d'avoir ce pignon sur rue pour les amateurs de danse swing. Voilà. De tous les genres, entre autres. Ben, moi, c'est ça que j'aime faire le plus dans le monde du jazz, c'est de faire danser le monde avec de l'ancienne musique populaire, tu comprends? Parce que là, je me sens comme... Mettons, l'arrière-arrière-grand-mère de Lady Gaga, elle devait faire ça, genre. Non, mais tu alors, vois toi, le topo? Oui. Alors, toi, tu préconises, comme tu dis, les années 20 et 30, un répertoire. Tantôt, je vous entendais parler entre musiciens, vous avez aussi des compositions, mais peut-être des compositions originales à saveur, à sonorité d'antan du 20e siècle, là, du début du 20e. Oui, mais on peut... On peut donner cette sonorité-là à n'importe quoi, dans le fond. Mm-hmm. Tu sais, des fois, je suis en prestation avec des chansons pop, du Pink, puis je vais aller le switcher en années 20. Un peu comme cette fameuse chaîne YouTube là, qui s'appelait... Le Postmodern Jukebox. Postmodern Jukebox, ben, c'est quand même à conseiller à tout le monde. C'est très en vogue depuis les 2-3 dernières années. Ouais. On fait des reprises de tous les genres. Et toi, ça vous arrive de faire un peu cet exercice-là? Bien, on a eu la commande une couple de fois de le faire. Puis je t'avoue que moi, je tiens quand même à... pas trop y aller souvent dans cette zone-là. J'adore le faire. Là. Puis je suis une fille qui écoute du pop, puis j'écoute aussi de la musique d'aujourd'hui. Je ne suis pas si nostalgique que ça. Mais non plus trop puriste. Qu'il y a des belles non, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a des belles chansons qui sont en train de se perdre, puis il y a des belles chansons auxquelles on attribue plus le bon compositeur ou le bon interprète de base. Oui, en effet. Tu comprends? Fait que mettons, dans un autre des spectacles que je produis, qui s'appelle Joke It Out. Là, on fait le récit des super chansons qui ont été réinterprétées par Nirvana. Là, je pense à Where Did You Sleep Last Night? In the Pines, in the Pines. Ouais, ça, c'était, comment ça s'appelait? Donc, Led Belly. Led Belly, tu sais. Bon, ben, toutes ces, ces gens-là qui n'ont pas eu le crédit, n'ont pas eu le temps d'avoir le crédit de... Non, c'est ça, parce que ça a été repris par la culture populaire et de masse, on a toujours associé ça associé à... Puis là, je me fais comme un devoir, on dirait... Je de dois ramener avoir... ça. Ouais, de ramener ça, ça à la base de la base, parce que je pense que l'histoire de la musique était importante. Ben, il y en a eu bien d'autres avant nous. Oui, il y a eu bien d'autres avant nous, puis l'histoire de la musique nous fait comprendre beaucoup l'histoire de la société, puis l'histoire des tensions raciales, beaucoup. Puis le swing et plusieurs compositeurs dont tantôt je vais te raconter une petite anecdote, là, je la garde pour tantôt, okay. qui fait que la musique a toujours été l'acteur du métissage des genres et des cultures. Puis là où il y avait du swing, où il y avait de la musique, il y avait un mélange des Noirs et des Blancs aux États-Unis. Des Juifs et des Catholiques. Mais tu sais, probablement toutes les traditions, ça a fait ça dans tous les pays. Quand il y avait de la musique à quelque part puis qu'il y avait un party, on s'en foutait un peu tout d'un coup de. C'est ce qui rassemble les gens, en effet, ouais. Sans. En l'absence de tous les jugements de religion, de politique, ouais. Et tout ça, on est capable de se rassembler autour d'une guitare, un piano, une contrebasse, une belle voix comme la tienne. Et on va écouter justement cette magnifique voix, Lily. Avec oui. Ton combo qui est composé de Antoine Breton à la guitare, probablement Monsieur Guitare Jazz à Québec, Vincent Gagnon, Monsieur Piano Jazz à Québec, et Monsieur Renaud Paquette, Monsieur Contrebasse à Québec. Bon, alors on va vous faire une première pièce qui est une adaptation de Buy Me a Bistuchen avec une version française, anglaise et allemande mélangée. Donc, tu me parlais de métissage de des genres, métissage des langues et des cultures. Alors, c'est à ton tour. C'est ça. Merci, Lily T, mesdames et messieurs, en direct de nos studios au 405 3e Avenue. Vous pouvez venir la voir en prestation en direct maintenant devant public. Et ce, pour le grand plaisir de nos oreilles. Alors, mesdames et messieurs, voici Lily T. Depuis qu'un soir dans un coin de France... J'ai vu dans l'ombre tes yeux immenses. Mon cœur est enfin plein d'espérance et je pense à toi le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même. Et enfin pour te dire que je t'aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette France de mon pays. Parmi les chants. Let me explain. Oh, Bami, this the shame means your grain. Bami, this the shame veut dire en amour. Chérie, je suis à toi pour toujours. J'aurais voulu pourtant te le dire tout. En français, mais j'ai le cœur battant et c'est en vain que j'essaie. Comment t'expliquer? Bah, mieux de cette chaîne, so come on and kiss me and say you understand. Plus que la vie. I Michel, ce que mon incuse me. Et dis-moi que tu m'aimes. L'été, mesdames et messieurs, avec ces musiciens. Alors, ça fait, comme je disais tantôt, ça fait près d'une dizaine d'années que vous êtes ensemble, si ma mémoire ne fait pas défaut. Oui. Alors, ça a commencé avec un petit combo jazz, avec un album qui est paru en 2015, je crois. Ça a commencé, en 2008, 7 peut-être, avec un EP qui était moins niché, je dirais, qui était plus du jazz standard cocktail de tous les jours. Voilà. Crevettes et chandelles. Et tartare, tu sais. C'est ça. Voilà. Alors, non, c'est ça. Puis après, ça a été long. Ben moi, je suis une maman aussi. Hein. Puis là, d'ailleurs, hey, je voulais saluer. Il y a plein de petits garçons qui sont en train de revenir de Saint-Jean-Port-Joli présentement dans leur auto, qui jouaient dans l'équipe de hockey de mon enfant. Puis vous j'ai manqué la dernière game de la saison. Désolé pour les vous, régionaux. Messieurs. Bouh! Là, je veux leur dire là, que j'ai fait la danse du floss, même de chez nous. Vous savez c'est quoi la danse du floss? Je la ferai pas. De toute façon, ta radio, ça ne donne pas la peine. Ça ah, mais c'est la surprise qu'on peut voir quand on écoute la radio. En tout cas, je la ferai pas. Puis j'étais pas là pour crier avec eux, mais je les félicite parce que je suis certaine que c'était une belle game. Donc, belle game. Et là, ouais, au-delà de la maman que tu es, ouais, j'ai pris et une que pause. Tu supportes le hockey, qu'est-ce que le jazz vient faire là-dedans? C'est pas d'accord, hein? Pas du tout. On peut faire les accords qu'on veut. On fait du cinéma, même à la télé. Même à la radio, on fait du cinéma. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tout ça rejoint l'idée de performance, que ce soit artistique ou sportive. Et il y a eu un moment de ma vie où je n'étais plus du tout dans la performance artistique et je me laissais tout aller au gré du vent, comme une plume au vent. Puis je faisais tout ce qui se pointait, là, tu sais, les contrats qui se pointaient à l'horizon, mais c'était moins précisé, disons. Et à un moment donné, ben là, il a fallu que je devienne sérieuse. Hein? Fait que t'as enfilé ton petit kit de Charleston? Ben, j'ai enfilé mon kit. Ça, je l'avais déjà. OK. Mais j'ai enfilé mon kit de productrice. OK. Et réalisatrice d'albums qui veut comprendre son métier comme il faut pour, elle aussi, en vivre. Donc, j'ai fini par... j'en vis. Je réussis à vivre, là. Tu me vois, je suis bien là. Et l'album T420s? L'album T420s est arrivé en 2017, en novembre 2017. Bon, et ça, c'était juste avant les fêtes, en fait. On avait sorti un single d'une composition qui s'appelle « À tout rompre », la prochaine qu'on va vous jouer, d'ailleurs. Préparez-vous, les garçons. Et puis, ouais, c'est ça. On a sorti l'album en 2017. Je dirais que c'était un super processus... humain, là, et en tout cas, de devenir productrice, de devenir une femme productrice, peut-être dans un monde d'hommes aussi, là, tu sais, ça m'a peut-être aidée à des places, mais peut-être pas aidée à d'autres places. Fait qu'en tout cas, ça a pas été facile. Mais là, en 2018, ça devrait t'aider à plein de places. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que là, on n'était pas en 2018 au début, là, on était comme en 2010. Ouais, c'est ça au départ. Puis à un moment donné aussi, c'est ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ça n'a pas été facile à produire, mais que je suis très contente qu'aujourd'hui, ce soit fait. Et puis, il y en a un autre déjà qui mijote dans mon esprit. J'imagine, parce que je pense que tu n'as pas tout dit dans cet non, album-là. Non, j'ai vraiment pas tout dit ce que j'avais à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, puis à dire dans ce répertoire-là très riche. Et lors de ta promotion de cet album-là, T420s, tu as fait paraître, en copie promo, un petit sachet de thé. Pas juste un sachet, genre l'équivalent d'une théière, là. Et c'est justement un thé personnalisé. C'est une importation privée. Une importation privée, donc un thé vert au jasmin bio. Oui. De la compagnie... C'est important pour moi, bio. Pardon? Bio, c'est important. Oui, c'est important. De la compagnie Divin Nectar, de la boutique Divin Nectar. Écoute, j'habitais à côté de chez eux, puis je savais même pas. À un moment donné, je suis allée me chercher. J'ai une shop de kombucha à volonté, en fût, à côté de chez nous à Lévis. Là, tu ne savais pas. Je ne le savais pas. Quand j'ai découvert ça, ma vie a changé complètement. Je suis devenue vraiment plus saine. Non, non, mais je me suis vraiment gâtée en kombucha et j'ai vu qu'ils pouvaient me faire le package de ce fameux petit thé qui est mon qu'on va déguster. On va déguster ensemble après, aux alentours de 17h37. Mais d'ici là, on y va avec une autre performance. On parlait d'une musique, d'une pièce que tu demandais à tes gars de se préparer. Ouais. Donc, À tout rompre. À tout rompre. D'ailleurs, CKRL m'a donné beaucoup de pouce en la jouant quand elle est sortie. Tu sais qu'à part la radio classique et jazz là, de Grégory Charles, qui diffuse aussi à Québec, on est la seule radio ou presque dans la grande région de Québec à diffuser du jazz de façon continue et régulière. Donc, on est très contents de t'avoir dans notre programmation. Oui, vraiment. Et c'est local et on aime ça. Oui, c'est ça. C'est local. J'ai juste un petit pied l'autre bord du fleuve, mais c'est pas grave, vous m'acceptez pareil. Oui, on va faire un troisième lien juste pour toi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, Lily T. Dans le doute, tout est flou. Et je m'abstiens de nous. Depuis qu'on s'aime à repos. Comment suivre le cours? Oh, je sais, on est blessé, oui, mais pourquoi briser nos mondes et se battre à tout rompre, larguer nos mots comme des bombes? Mon cœur dur comme l'hiver, mon corps de travers. Dis-moi tout ce que j'espère, qu'on recolle nos chairs. Oh, je sais, on est blessé, oui, mais pourquoi briser nos mondes et se battre à tout rompre, larguer nos mots comme des bombes. Perdu la raison, c'était si bon quand on était beau et jeune et con toute la journée, all day, on brûlait nos corps à s'enlacer avant de frapper le vent. Oh, on était heureux. Aujourd'hui, rien ne va plus. Où on en est rendu? Oh, le cœur gros à perte de vue. Dans une histoire comme la nôtre, sur qui jeter les fautes? Quand ce qui nous trouble chez l'autre, c'est le reflet dont on est l'autre. Je sais, nos souvenirs blessés, oui, mais pas laisser nos mondes se battre à tout rompre, faut désamorcer nos bombes, protéger les secondes de ceux qu'on met au monde et tout ce qu'on leur raconte, faut désarmer nos mondes. Et s'aimer à tout rompre. Lily T, mesdames et messieurs, en prestation et en entrevue avec ses musiciens, mesdames et messieurs, restez des noms puisque dans quelques instants, nous allons revenir avec une dégustation avec son band de son fameux Lily T T420s, un vrai thé vert plutôt au jasmin bio que je m'apprête à infuser et je ne le raterai pas. Disponible parce que... quand vous venez nous voir en spectacle seulement. Wow, donc en exclusivité et je veux même le faire goûter à certains membres ici du public. Alors, on est ici avec des membres de CKRL, des producteurs et même du public. Vous pouvez venir... Oui? Vous pouvez même acheter du matériel promotionnel à petit prix. Je pense qu'on est rendu à une vente de feu de 50%. Alors, surtout, j'ai même une promotion incroyable sur des vinyles de marde. Vous en achetez 3 pour 10 $ 3 pour 10 $ et si vous rendez jusqu'à 3, on vous en donne un gratuit. Ça, c'est de la promotion. Alors, c'est un 4 pour 3 pour 10 $ Donc, sur ce, on revient avec Lily T. Es-tu une fan de vinyle, toi? Est-ce que je pense qu'on va avoir un 78 tours de Lily T dans les prochaines années? Ben, oui. Pourquoi oui? pas? C'est rendu super... c'est up-to-date, les vinyles. Un rouleau de cire! Ah, oh, ça sera encore mieux, un rouleau de cire. Mais je sais où il y en a, hein? À Sainte-Claire, là. Sainte-Claire de Bellechasse. Il y a un petit magasin qui s'appelle chez Monsieur Morin. Puis Monsieur Morin, il a encore des rouleaux de cire. Puis il y a, sais-tu qu'est-ce qu'il joue sur le rouleau de cire? Non. Le band qui jouait sur le Titanic. Haute tabarouette. Ouais. C'est vrai que. Avant qu'il coule, avant qu'ils prennent le bateau. Ouais, ils ont enregistré ces gens-là. On les entend pas. Il y a pas des bruits de bulles à un moment donné. C'est vrai ce que je vous dis là. Ce monsieur-là, okay. il y a un musée. C'est là. Quand même authentique là, tout ça. Ouais. Hey, on parle de films. Selon toi, c'est quoi ton meilleur film de jazz? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont creusé sur le sujet, puis en ont fait plein. Ce serait quoi un de tes meilleurs films? Tu te dis, hey, ça, je me replonge dans cette ambiance incroyable du jazz, des années que j'aime. Ouais. Et tout ça. C'est celui qui a influencé le plus les danseurs de Lindy Hop, le Hella's Open. Yep. Le film qu'on voit, on voit des serveurs, puis des. Ça circule souvent. Là, vous allez sur YouTube et vous faites Hella's Open, puis vous allez voir ça. Tu te rappelles plus du titre. Hein? Tu te rappelles plus du titre. Ben, c'est ça. C'était pas Swing Kids? Non. Ça, c'est trop récent. Ouais. Mais ouais. Un truc plus. Mais plus les danseurs savent de quoi je parle, là. Mais mettons un truc plus vieux, là, avec du swing, il y en a tellement. Ben, dans ce temps-là aussi, tout n'était pas cinématographiquement transféré, dans le sens qu'il y avait beaucoup de comédies musicales. En fait, les chansons qu'on joue faisaient souvent partie de comédies musicales plus que de films, qui sont après ça devenus des films. Mais, tu sais, dans les années 20, les moyens techniques n'étaient pas tant... aussi technologiquement parlant. Ouais, donc ça se passait beaucoup sur scène. Tu sais, ça se passait live. Puis un fait intéressant, là, c'est que dans le temps... Dans le fond, il y avait des bands dans chaque ville, dans des stations de radio, comme mettons ici CKRL a son house band, puis le house band jouait live des chansons qui avaient été achetées, là, mettons, des quand chansons populaires. Quand tu passais par là, ben, ils jouaient ta chanson, c'est ça? Ben, tu sais, ces bands-là étaient des bands de cover, entre guillemets, qui faisaient que les chansons étaient tout le temps des versions de bands différents, dans des villes différentes, dans des stations de radio différentes. Et n'était pas nécessairement parce que les antennes n'étaient pas super fortes, tu sais. Je veux dire, ta radio se rendait pas à l'autre bout du monde comme aujourd'hui, tu sais. Fait que dans le fond, c'était comme des bandes de cover jazz qui interprétaient des pièces qui étaient écrites, mettons, à New York ou je sais pas trop où, tu sais. Puis après ça, ça s'est modifié parce que maintenant, on entend les chansons d'un artiste vont se promener dans toutes les radios. Puis là, ben c'est ça. Je trouve ça juste drôle d'y penser à ce fait-là. J'ai coulé notre fameux thé. Tu vas me dire si j'ai bien réussi ça, d'accord? Alors, oui. Santé. Santé. C'est vraiment un petit thé à chinoise, là, à la japonaise. Ces pays-là, là. Chine, Japon, même affaire. Puis, c'est pas... Tu l'as réussi. Ouais? Ouais. Il est à la bonne température, tu ne l'as pas brûlé. Exactement. Moi, j'ai suivi ton conseil, j'ai fait bouillir notre eau un petit peu plus à l'avance. Donc, on y voit tout avec le petit côté floral qui est très présent. Il est bon, hein? T'aimes ça, les fleurs, toi, hein? Oui. Les fleurs dans les cheveux, puis. Les fleurs dans les yeux, les fleurs sur le tapis. Les fleurs du tapis, je les aime moins, eux autres, je m'en parle souvent dedans. Touffe-toi pas, là. Non, puis je demanderai je vais te présenter un fan. Il s'appelle Hubert Tremblay et c'est aussi le plus vieil animateur de CKRL, non pas en âge. Ça fait 45 ans qu'il est ici et Hubert est un grand fan de thé. Hubert! Je vais te verser un petit verre et même, tout à l'heure, il m'a posé une question auquel j'ai dit, ben, je vais lui poser, mais je vais lui laisser te la poser, cette fameuse question. C'est ça, à part T420, c'est ton autre projet, c'est quel genre de musique? Ben, Juke It Out, lui, il remonte avant les années 20. Fait que c'est... en plus blues, mais qui va piger dans les field hallers, puis les... dans le un peu le gospel, puis beaucoup le les balbutiements du blues, là. Vraiment avec Led Belly. Avant que tout ça se rejoigne ensemble, avant que General Morton, Scott Joplin, Le Rag et tout ça se ramifient tout ensemble et fassent ce qu'on appelle le jazz aujourd'hui, qui a commencé au swing, le Charleston et aussi. Et après ça, l'histoire est encore à dessiner pour le futur. Ouais, ben après, il y a eu le jive. Tu sais, les années 50 ont été plus de rock'n'roll. Mais c'est ça. Fait que Juke It Out, c'est le fun. On a, l'année passée, été au Festival international de blues de Tremblant et on a gagné le prix Coup de cœur découverte. Bravo, bravo! Oui, merci! On était c'est fiers. Pas peu dire, hein? Même la vieille musique peut gagner encore des nouveaux prix. Ben, c'est parce que... ouais, ben oui, c'est ça. Ça, c'est tellement vieux que le monde s'en souvienne pas. Ils pensent que c'est de la nouvelle musique, dans le fond. Mais alors, ça pour dire là, oui. Que ce show-là, juste pour finir avec ça, c'est que c'est pas un spectacle qui est juste musical. Tu sais, T420, c'est de la musique, là. Clairement, il y a pas de décor. J'ai un petit costume, là, mais tu sais, mettons... Bon. Mais Joke It Out, il y a un décor avec ça, puis j'arrive avec une scénographie, puis il y a une histoire qui est racontée, puis c'est un conte. Puis, en tout cas, il y a des personnages qui sont en train de se greffer à ça, des descriptions de lieux. Puis c'est, comme tu dis, c'est en progrès. Est-ce que tu rajoutes des affaires, plus tu fais tes recherches par rapport à tout ça? Tu rajoutes des éléments de scénographie, de mise en scène? Ben là, en tout cas, j'ai lancé des perches, des cannes à pêche un peu partout là, pour en faire un projet un peu plus constitué en comédie musicale. Reste à attraper les bons poissons. Alors, Lilithi, on poursuit avec une autre performance musicale avec ton groupe. Qu'est-ce que tu as choisi? Ah bon, ben regarde, on a choisi de faire Puttin' on the Ritz. Puttin' on the Ritz? Je vais te dire pourquoi. Parce que Puttin' on the Ritz, ça peut avoir l'air cliché là, comme chanson, mais Puttin' on the Ritz, c'est composé par Irving Berlin. Hey, sais-tu quoi? On est tellement raccord, là. On boit mon thé qui s'intitule Irving Berlin. Oui. C'est raccord. Puis là, Irving Berlin, non, c'est... En fait, j'avais tout prévu ça. Ma feuille de route est là pour le, ah, pour c'est le dire. C'est ça. Tout est dans la feuille de route. Mais tout ça pour dire que Irving Berlin, c'est le premier... Je vais vous chanter le texte original, comme il a été écrit par Irving Berlin. Mais il y a eu, à un moment donné, une comédie musicale où le casting ne pouvait plus être mixte. OK. Donc, Irving Berlin avait écrit pour un casting mixte. Et donc, fait qu'ils ont fait des blackface dans... Ben là, c'est tout... l'époque des Ménestrels. En tout cas, c'est là que ça a commencé à être weirdo. Puis Irving Berlin a dû changer le texte. Le texte, puis donc, parce que ça collait plus avec ça la réalité plus du avec, casting. C'est ça. Donc, mais lui, il avait fait beaucoup d'efforts, puis il était très militant, ce monsieur-là. Oui, il a fait beaucoup pour justement à l'avoir et officialiser cette mixité-là en musique et en culture. Vraiment. Puis ben là, il n'a pas eu le choix de faire un petit... Bon, une petite entourloupette pour celle-là, mais moi, je vais vous chanter les deux textes, finalement. Alors, Lilithi, mesdames et messieurs, avec son interprétation et, justement, l'original de Irving Berlin. Voici « Put it on the Ritz ». Oh, yeah. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue? On that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? It putting on the Ritz. Different types to wear a day coat, pants with stripes and cutaway clothes, perfect fits. It putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Justin Bieber. Super duper, come let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their midst. It putting on the Ritz. Thank you. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? You're putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits. You're putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spend their last 2 bits. You're putting on the Ritz. En direct de CKRL avec Lily T et son quartet. On peut-tu trio, non? Quartet. Tu comptes là-dedans, comme ouais. musicienne? Ah ouais. Lily T et son ouais, quartet. Ben, on est même 5 dans le fond. OK. J'en fais 2. Oui, c'est vrai, en effet. Et puis t'en fais tellement que tu vas aussi et vous accompagnez les écoles de danse de swing, tempo oui. swing, on en parlait tantôt. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle, depuis une recrudescence des écoles de danse à Québec, je pense qu'il y en a eu Porto Swing, oui. Tempo Swing. Et là, ça se passe à Québec depuis ben, quelques années. Là. Écoute, hier, là, il y avait 2 soirées en même temps, puis les 2 soirées étaient pleines. Fait que ça, c'est bon signe. Parce que le Palais Montcalm était plein, à pleine capacité, il n'y avait plus de billets. Puis Porto Swing faisait aussi une soirée. Donc, Tempo et Porto à Québec. Ben, en fait, Porto était là au tout début. Oui. Après ça, il y a eu Tempo. Et puis, mais tu sais, il y en a partout. Il y a Trois-Rivières, très swing, pour qui on va jouer aussi. Il y a la cabane à swing. Ouais, c'est vraiment cool, à Saint-Georges, la cabane à swing. Puis d'ailleurs, ils sont en Down by the Riverside. La fin de semaine prochaine, il y a un gros événement swing là-bas où ils font venir les Royal Pickles avec le lancement de leur disque et tout ça. Ça va être vraiment un gros événement. Tout le monde s'en va là-bas, là. Et vous y participez également? Ben nous, on y participe. Moi, j'y participe comme danseuse, mais oui. pas comme musicienne cette année. Mais on est déjà allé, puis on y retourne de temps en temps. Puis l'autre place, en fait, c'est quoi? L'autre place, elle est à Lévis et elle vient d'être fondée par Sophie Royer et moi-même. Dis-moi pas que c'est à côté de chez vous. Ça s'appelle la Swing Ambassade. La Swing Ambassade? Ouais. Okay. Ça, c'est à Lévis. C'est né du fait qu'on avait juste envie de ne pas traverser les ponts pour aller danser. C'est, ouais. c'est niaiseux de même. Puis on s'est dit, il y a sûrement du monde de notre côté aussi qui vont vouloir faire ça. Fait que plus il y a de monde qui danse le swing, en fait, on essaie de recruter des gens qui n'ont jamais dansé pour essayer de leur faire découvrir cette culture-là. Puis de les amener à venir dans les soirées aussi, puis à faire juste plus de monde qui danse. Fait que finalement, au lieu de convaincre les gens, ben vous le faites agréablement en musique, mais aussi avec des initiatives comme ça. Donc, on le fait. On ouais. fait pas juste le penser puis le rêver. On le fait à ouais. même notre quartier puis notre communauté. Alors, c'est un. Moi, je félicite cet effort-là. On l'applaudit, mesdames et messieurs. On implante, on sème des graines un peu partout. Ah oui, c'est vrai. On crée l'intérêt pour le jazz, le swing, et ouais. je sais que t'aimes pas que je fasse l'amalgame entre les deux, le swing et le jazz, mais... Ah oh, non, mais ça me va, mais je pense que c'est du jazz traditionnel. Je pense que le bon terme, ce serait juste de dire ça, tu sais. Mettons, en folklore, on dit ça, t'as le folk, tu sais, mettons, Lou-Adrienne Cassidy fait probablement du folk, de la chanson folk, je sais pas trop, mais tu sais, t'as du folk traditionnel, où ce que là, ben, ça, c'est des violons, puis du rigodon, là, mettons. Ben c'est un peu ça aussi, tu sais, le jazz traditionnel, c'est différent du jazz. C'est tout le rigodon du jazz. Du jazz. Ouais, c'est ça. Alors, hey, on est presque sur la fin de la performance. Les auditeurs sont ouverts, je sais qu'ils comprennent. Ils sont ouverts d'esprit. Alors, Lily, tu vas me trouver un peu bizarre, là, mais moi tantôt, je suis tombé sur un livre de Daniel Dubé et Nicole Hood. Ça s'appelait Entre toi et moi. Ah. Et c'est des haïkus. Et je vous dirais que. On est ailleurs, le haïku, oui, ouais, je te dis. Ce haïku-là a été écrit par Daniel Dubé. Ça dit, un haïku, c'est un petit poème japonais en 3 phrases. Ça dit tout simplement, entre nous deux, une tasse de thé, un haïku, dernier rendez-vous. Oh, pas le dernier. Non, mais c'est justement ce que pour ça que je voulais qu'on en discute, parce que j'aimerais ça vous revoir sur la scène de Québec. Et quand est-ce qu'on va vous voir? Un spectacle prochain, là. C'est vrai, là, c'est le temps d'annoncer des choses. Là, la prochaine fois qu'on s'en va quelque part, c'est au Festival de Jazz et Blues de Saguenay, les 19-21 avril. Et après ça, on revient. Et là, moi, ben, je suis directrice musicale pour un spectacle complètement ailleurs de flamenco avec Karine Parizé au vieux bureau de poste de Saint-Romuald, qui va être la fin de semaine suivante, 26, 27, 28, 29. Et, avril. Avril, avec un blend, justement, métissage encore, mais qui part des traditions flamenco avec la culture québécoise, un mix de tout ça, etc. Et donc, après ça, petit mois de mai d'événements corporatifs, low profile. Parfait, c'est bon, c'est très alimentaire, puis on aime ça. Ouais, puis là, ben, le mois de juin, on repart, puis après ça, il y a l'été où on va être avec Joke It Out au Festival de Jazz et Blues de Tremblant. Là, c'est sûr que j'en oublie, là. Je vais mettre mon site à jour, vous pourrez aller le voir. Dès demain, il va être à jour parce que. C'est quoi, www.lilithibaudeau.com? Lilithibaudeau.com, puis vous allez voir tous les projets. Ben, effectivement. Puis sur Facebook, c'est soit Lily T, T comme du thé, évidemment. Et Joke It Out. Duke it out. Yes. Alors, merci beaucoup de cette magnifique complicité. Je veux dire quelque chose, j'ai oublié. Ben oui, je sais. De plugger une affaire, une belle grosse affaire. Vas-y. On est à l'Anglicane de Lévis. Bon. Au mois de novembre prochain. À côté de chez vous. À côté de chez nous, pour une fois. Puis ça, c'est le 10 novembre prochain. 10 novembre prochain. Ouais, on va avoir un gros mois de novembre parce qu'ensuite, on s'en va à l'événement Follology de Montréal, qui est un gros événement de danseurs au Rialto à Montréal. Donc, vous avez quand même une belle année devant vous. Oui, c'est ça. On commence à voir un peu plus loin que le bout de notre... On vous souhaite un grand succès. De notre année. Et j'inviterai tous les gens qui sont ici même de se lever debout et de faire peut-être quelques petits mouvements de danse pour cette dernière prestation de Lily T, mesdames et messieurs, en direct de nos studios ici même au 405 3e Avenue, au Radioton CKRL. On vous invite à y venir, et y participer, et on est dans notre dernier droit pour atteindre notre objectif de 42 000 $. Alors, mesdames et messieurs, pour une dernière fois, aujourd'hui, un dernier rendez-vous avec Lily T. Un rendez-vous à la gare pour faire honneur au tramway. Le train ne passera pas me prendre. Si je ne me rends jamais à la gare, je passe mon tour dans les salles d'attente. Plier bagages sans partir, j'en ai marre. Comment pouvoir enfin me surprendre? Faire mes valises et sortir tous les soirs. Danser à faire chauffer toutes les planches. Et arrêter de peindre tout en noir. Si seulement j'osais être moi, des questions je n'en poserais pas. Oh non, je prendrais les devants, jamais face au vent, guidé par la petite voix qui mène à la gare. Oh, à la gare. À moi, des questions je ne m'en poserai pas. Oh non, je prendrai les devants, jamais face au vent, poussé par la petite voix qui mène à la gare, à la gare. Viens à point, à qui sait apprendre. Du tout au tout, j'ai changé de regard. Et j'irai à mon tour dans le sens du monde. Non, il n'y a pas que des faux départs. Non, non, non, le train ne passera pas me prendre. Si je ne me rends jamais à la gare, à la gare, à la gare. Merci beaucoup, Lily T. Merci, merci à tout le monde de donner généreusement. Donner généreusement. Et de retour dans quelques instants pour le dernier droit avec Tania Beaumont, Paul-André Cassidy, porte-parole officielle de notre Radio-Ton, et surtout, Madame l'Honorable Agnès Maltais.